There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bonjour et bienvenue sur CKUT 90.3 FM à Montréal, dans ce qu'on appelle Montréal, en langage colonial, et ainsi qu'à CKUT.ca sur l'Internet. Aujourd'hui, notre entière émission sera consacrée aux hommes survivants d'agressions sexuelles dans leur enfance et leur adolescence, et nous recevrons Sébastien Richard, président du CRIFAS et auteur du livre « Religieux et pédophiles, plus de 200 enfants volés », ainsi que Jean-Pierre, membre du CRIFAS. Nous allons commencer tout de suite l'émission avec une lecture que j'ai trouvée sur le site du CRIFAS, qui est un poème qu'un camarade a écrit, qui s'appelle « Briser le silence ». Aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence, pour moi et pour tellement d'autres. Je m'appelle Pierre Robichaud, j'ai 33 ans, et j'ai vécu de l'abus sexuel quand j'étais enfant. J'ai décidé de briser le silence parce que je veux être guéri. J'ai décidé de briser le silence parce que je dis oui à la vie. J'ai décidé de briser le silence pour la femme sur toi qui sera abusée dans sa vie. J'ai décidé de briser le silence pour l'homme sur six qui l'a vécu aussi. J'ai décidé de briser le silence pour ses enfants, ados et adultes qui ne sont plus ici aujourd'hui parce que la souffrance était plus grande que la vie. J'ai décidé de briser le silence parce que des géants avant moi se sont levés et l'ont dit. Parce qu'en brisant le silence, on dit oui à la vie et on peut être guéri. Silence. Pour moi, l'enfance et l'adolescence sont des périodes de ma vie où j'ai très peu de souvenirs. Les événements que j'ai vécu étant enfant étaient tellement horribles que le cerveau de cet enfant de 9 ans a rangé ses mémoires dans un tiroir barré à double tour. Cet enfant était déjà très intelligent. En effaçant ses mémoires, il m'a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Durant les années qui ont suivi, je me suis accroché à la vie comme j'ai pu. Je me suis conformé en m'assurant que personne ne s'en rende compte de rien. Mon agresseur avait été clair. Si j'en parlais, j'allais y passer, ma famille aussi. Qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans ne ferait pas pour protéger sa mère, sa sœur, son frère? Puis, ado, mon père et mon frère sont décédés. J'ai réalisé qu'on n'a qu'une seule vie à vivre et qu'elle peut être courte. J'ai fait la fête, l'amour, du sport en masse, j'ai voyagé, travaillé en Jamaïque, en Équateur, à Terre-Neuve, en Europe. Puis, à 26 ans, j'avais l'impression d'avoir le double. Bang! À force de fuir et courir, j'ai frappé un mur. À 200 km à l'heure, je peux vous assurer que ça fait mal. Mon parcours de transformation s'est amorcé par un pèlerinage en Espagne. J'avais envie de changer de peau, de me changer, de changer les autres, de changer le monde. J'ai pratiquement pratiqué le changement. Je l'ai étudié à l'université, je l'ai vécu, je suis devenu obsédé par le changement. J'ai fait toutes les thérapies possibles. J'ai lu, écrit, dessiné, chanté, dansé, médité. J'ai fait du yoga. J'ai voyagé jusqu'en Inde et jusqu'au plus haut sommet de l'Himalaya pour comprendre, pour faire la paix. Mais la paix, c'est à l'intérieur qu'elle se trouve. C'est à l'intérieur qu'elle se trouve, pas à l'extérieur. Et me voilà ici, aujourd'hui, j'ai changé de l'intérieur. J'ai le courage de transformer le monde, un mot à la fois, en brisant le silence. Ceux qui ont vécu de l'abus sexuel durant l'enfance attendent en moyenne plus de 20 ans avant d'en parler. Et des fois plus. C'est ce que j'ai rajouté. Chaque seconde est une seconde de trop. Silence. J'ai décidé de briser le silence pour donner le courage à d'autres de le faire aussi. J'ai décidé de briser le silence pour arrêter un cycle de violence. J'ai décidé de briser le silence pour dire oui à la vie et enfin être guéri. Je m'appelle Pierre Robichaud, j'ai 33 ans, j'ai dit oui à la vie, j'ai brisé le silence. Paul, tu m'as menti, j'ai brisé le silence, je suis toujours ici et je suis en vie. Alors tout de suite, sans plus tarder, nous allons entendre une entrevue que j'ai réalisée le 19 avril devant l'Oratoire Saint-Joseph avec Alain Duhamel. Commencez par me dire quitter. Alors, mon nom est Alain Duhamel. Je suis un survivant d'abus sexuels fait par les cinq croix au Collège Notre-Dame dans les années 70. OK. Comment ça s'est passé? Est-ce que si tu veux en parler? Ça s'est passé durant 3 ans et demi à mon arrivée comme pensionnaire en 8e année. J'ai fait mon cours classique, donc en 8e année, j'étais un bonnet de classe. Je suis rentré au collège avec 90% de moyenne. Alors, quand je suis sorti du collège 3 ans et demi plus tard, j'ai pas réussi à finir tous mes cours ici. J'avais comme 27 de moyenne. On me gardait, vous savez qu'on ne garde jamais les étudiants qui ne sont pas bons. Mais grâce au plaisir que je devais offrir aux frères qui abusaient, dont le frère Bertion, qui fait partie du prochain recours contre l'oratoire Saint-Joseph, les autres qui étaient préfets à ce moment-là, les autres ils ont laissé aller le fait que j'étais plus bon à l'école jusqu'à temps que je ne serve plus à rien. Puis quand ils en ont pris des plus jeunes, ben, à ce moment-là, ils te rejettent comme un vieux déchet. Pendant 3 ans et demi, j'ai vécu tout l'enfer des abus. Ça a commencé par mon professeur de français qui, lorsque le soir à l'étude, il venait me chercher, m'amener dans sa chambre, aller aux infirmiers quand je suis allé parce qu'on m'avait forcé de façon anale. Et j'avais des bobos, comme on dit. J'avais mal, alors ça a fait que il a continué les abus plutôt que. On dit toujours, il faut le dire à quelqu'un qu'on a confiance. Je l'ai dit à mes infirmiers. Ça a été mes deux plus grands abuseurs pendant ce temps-là. Après ça, c'est allé au préfet de discipline. Quand je me suis tanné, j'étais au préfet de discipline. Au bout de la ligne, ça finit comment? Préfet de discipline aussi. Fait qu'à un moment donné, tu sais plus. Tout de suite, dès le départ, ça, je le dis souvent, des complices, moi, c'était mes parents. Dès la première fois que c'est arrivé, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, sortez-moi de là. Les autres, ils ont répété sans cesse. Je sais pas, c'est impossible. Ça peut pas t'arriver. Fais ce qu'on te dit. T'es chanceux d'être là. Ils sont là pour t'éduquer. Qui m'ont laissé dans cet enfer-là. Mais comment on survit à ça? Comment on survit à ça? Je me suis demandé pourquoi j'ai vécu avec 13 femmes dans ma vie. Pourquoi j'ai eu 20 blondes. Pourquoi je changeais de job aux 5 minutes. Pourquoi j'avais confiance en personne. Pourquoi j'aurais gagné 1 million, je pense que ça m'aurait pas fait plus sourire que ça. Pourtant, je suis un gars qui gagne ma vie dans le milieu artistique. Alors, les gens qui m'ont vu, qui me reconnaissent, ils disent tout, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là, il est fou. En plus, tu fais des choses genre très amusantes. Ben oui, généralement, tu fais beaucoup de blagues. Ben oui, tu fais de la musique très olé-olé. Toujours très joyeux. Très joyeuse. Très gay, prime sautier, des choses. Soleil. Alors, mais c'était vraiment le plus beau face pour cacher le c'était ma. Le mal intérieur. Dans le fond, ça a été ma béquille. J'ai tout essayé, la drogue. Boire, jamais pas boire, jamais pas me draguer. Je fume même pas de cigarette. Je pensais qu'il y avait des béquilles à ça, des échappatoires, mais il n'y avait pas. L'échappatoire, c'est un jour, quand j'ai vu. Moi, j'étais sûr, j'étais tout seul au collège. Il y avait peut-être un autre gars. Quand, en 2008, on s'est retrouvés, 2009, lors du premier recours, j'ai réalisé, quand je suis rentré dans la salle, il y en avait déjà une cinquantaine. Puis je trouvais ça énorme, 50 ans. Excusez. Ça va, on peut comprendre. Puis quand on est arrivé plus loin, on était 200. Prends ton temps, au pire, si tu veux pas que ça soit là. 200, t'as-tu une destinée de bon sens? Ça n'a pas. Excusez, c'est ça. Y a pas de crise. On sait que de bon généralement, sens. Les pédophiles sont récidivistes. Là. C'est très rare des pédophiles à un seul cas. Ben non, on sait très bien, si vous suivez ça, qu'un pédophile est capable d'en avoir quasiment une centaine, si c'est pas plus. Ça, c'est dans les statistiques du gouvernement. Alors, on a compris multiplié par deux. Fait que s'il y a eu ici 7 à 10 frères qui avaient le même modus operandi, multiplié ça par 200, c'est comme abominable, c'est 2000 garçons dans un ou deux collèges. Si vous ça par le nombre de collèges, multipliez ça par les orphelins du Plessis, multipliez ça par les 15 Saint-Viateur, multipliez ça par les écoles résidentielles pour les autochtones. C'est comme démentiel. On parle de peut-être 15, 20, 30, 40 000 au Québec. Au Québec! Le gouvernement fait quelque chose pour ça? Non, il donne de l'argent. 25 millions à l'oratoire, 25 millions pour les aider à subvenir à leurs besoins. Mais... quand nous autres, on a le malheur de demander un peu d'aide en monétaire, on se fait accuser d'être là pour l'argent. L'argent, mon cher ami, écoute, il n'y en a pas d'argent pour payer ça. Moi, ma vie est finie, j'ai 60 ans. Moi, ma vie est faite. Hein. Fait que je veux dire, ça va changer quoi dans le restant de mes jours? Hein? Ça ne change rien, parce que toutes les choses qu'on a faites dans notre vie, il faut les rembourser, il faut les remettre, il faut revenir à zéro, repartir une nouvelle vie. C'est pas facile à 60 ans de partir une nouvelle vie. Puis on a besoin d'aide constamment. T'as parlé entre autres de genre pour toi-même comme pour d'autres, de traverser l'alcoolisme, la toxicomanie, probablement beaucoup d'endettement chez certains et certaines. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'à un moment donné, on veut travailler pour nous autres, dans notre compte, c'est pas facile, le temps qu'on... Mais comme on comprend, c'est un dilemme. C'est un dilemme avec lequel on doit vivre et survivre. Et malheureusement, c'est ça qui est notre burden. Je cherche le mot en français, mais c'est ça qui est notre poids, t'as raison. Le poids sur nos épaules, c'est de survivre à ça. Puis c'est tellement tabou. Tu vas dire à un gars que. Tu vas dire à d'autres mondes, regarde, nous autres, on est abusés. On est abusés par. On a été des hommes abusés. Vous me regardez aujourd'hui, je paye 350 livres. Je dis, il n'y a pas grand gars qui va m'abuser, je peux vous dire ça. Fait que ça arrive beaucoup pas violent, à les enfants. Je suis pas violent, moi juste m'asseoir dessus, ça va s'arrêter là. Mais il faut penser qu'on a été abusés. Tous ceux qu'on voit, on a été abusés quand on était jeunes, quand on était petits, quand on avait 10 ans, 11 ans, 9 ans, 13 ans, quand on était sans défense, puis qu'eux autres, on les voyait comme des grands, grands, grands. Mes frères abuseurs, puis je dirais 6 pieds 1, écoute, t'as des grands messieurs. Que tu mesures 4 pieds 8. Alors, c'est ça. Comment t'expliques qu'il y avait autant d'abuseurs dans l'Église catholique? Celui qui va comprendre que des hommes, c'est des hommes. Puis peut-être que malheureusement, des hommes ont des besoins. J'aime pas le terme animal, là, mais même les animaux. Bon, on est des animaux, nous autres. Ben oui, intelligents, mais même les animaux, de temps en temps, on doit avoir des relations sexuelles entre eux autres. Et c'est rare qu'on va voir des animaux. Puis là, je ne suis pas, homophobe du tout, mais c'est rare qu'on va voir deux chiens mâles s'enculer. Mmh. Alors pourquoi qu'on verrait des hommes enculer des petits garçons? Mais... Et je pense que le fait qu'on voit moins ça dans les États, aux États-Unis, on voit ça dans les communautés religieuses, on voit moins ça chez les pasteurs qui ont des familles puis qui ont des enfants. Parce que quand tu as des enfants, j'ai des amis qui sont ici ce matin, là, qui n'ont pas été abusés, ils sont là pour nous encourager, mais ils ont des enfants. Je pense que si ça arrivait à leurs enfants, ils ne feraient pas comme mes parents. Ils prendraient action. Mes parents m'ont laissé là. Mais je pense que j'ai pas besoin de nommer de nom, ils sont assis pas loin de moi. Il fallait que les enfants soient attaqués sexuellement. Ça brasserait. Fait que. Et je pense que le fait qu'ils vivent pas des vies normales, sont réclusifs, sont entre eux autres. Et malheureusement, même encore le pape, il y a deux jours, n'est pas capable de reconnaître la pédophilie. Le pape ne reconnaît même pas l'homosexualité de ses troupes. Et encore une fois, je suis loin d'être homophobe. J'ai énormément d'amis homosexuels. Et c'est ça, puis je l'ai dit, je leur ai dit, c'est pas parce que t'es homosexuel, ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Et ce que je dis, c'est que les homosexuels, entre eux autres, c'est leur affaire. Moi, je suis hétéro, c'est mon affaire. puis je les respecte, j'ai pas de problème. Et une autre catégorie qui s'appelle les pédophiles, eux autres, ça n'a aucun bon sens, ça n'a aucun allure. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut que les gouvernements fassent quelque chose. Il faut que les lois changent. Il faut qu'il y ait des lois spéciales qui soient faites pour ça. Mais qu'est-ce que tu as trouvé de bon pour guérir quand même un peu de tout ça? Ce que j'ai trouvé de bon, c'est qu'il y avait d'autres gars qui étaient comme moi. Ce que j'ai trouvé de bon, c'est qu'entre nous, ça fait du bien de le partager. J'ai trouvé également un endroit que même vous, vous connaissez. Ça s'appelle le Kiffaz. Il y a également le Chaz. Il y a également l'Emphase. Il y a des nouveaux mouvements d'aide. Ce sont des endroits de ressources pour nous aider. Et ce qu'il a fait à l'intérieur de ces ressources-là, c'est pas nécessairement les intervenants, c'est pas nécessairement les organisations, c'est les autres gars. Les pères. Le fait de faire des phases, faire des sessions avec 10 autres personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, au plus ou moins, il n'y a pas de quantité. Une fois, 1000 fois, c'est pareil. C'est un traumatisme à vie. Je pense que c'est ça qui est la solution. Mais moi, ça m'a aidé de faire des phases, faire des ressourcements de groupe. Et entre abusés, c'est effrayant l'énergie positive de tout ce négatif qui ressort. Oui, c'est solidariser entre nous. Oui. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire, comme tu le sais. Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Ah, ben ça va. On fait une interview, mais comme vous savez, il y a beaucoup de travail à faire. C'est difficile. Comment on se donne du pouvoir ensemble? Tout le monde se donne du pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont eu lieu dans tous ces centres de ressources-là depuis un an. Mais je pense que la suite s'en vient. Puis si on se tient ensemble, on va revenir à bout. Merci. C'est très gentil. Alors, vous êtes toujours sur En profondeur sur CKUT 90.3 FM, ce qu'on appelle Montréal, et sur l'internet à CKUT.ca. Maintenant, nous allons passer une entrevue avec Sébastien Richard, président du CLIFAS, ainsi que auteur du livre Religieux et pédophile, plus de 200 enfances volées. Je vais commencer par lire qui est un peu l'introduction du livre, ou plutôt une annonce qui fait une brève du livre. Donc, ça dit « Religieux et pédophile. Ma dignité ne provient pas de mon courage ni de ma force, mais plutôt de ma volonté à ne pas me résigner. Cette histoire, qui en est une parmi d'autres, est à l'origine du recours collectif qui a été intenté contre la province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et qui leur a coûté 18 millions. Pourtant, au début, tout ce que les victimes voulaient, ce n'était que des excuses. Durant l'année scolaire 1976-1977, l'auteur était en deuxième année du secondaire au Collège Notre-Dame de Montréal et ses difficultés récurrentes en mathématiques ont réapparu. Il faut dire que ses résultats scolaires étaient influencés par le fait qu'il était enfant comédien. Ses absences à l'école étaient fréquentes. En 1977, comme il angoissait à l'idée d'échouer son examen de mathématiques de fin d'année, le frère Claude Urtubise lui a offert de lui donner des cours particuliers dans sa chambre. Il lui a bien donné des cours, mais il en a profité pour l'agresser sexuellement à 3 reprises. 25 ans plus tard, en septembre 2003, l'auteur s'est enfin décidé à porter plainte contre le frère Urtubise. Lors du procès à l'automne 2006, ce dernier a tout nié. Selon le frère Urtubise, toute cette histoire a été inventée. Dans ce livre, Sébastien Richard est en mesure de prouver que c'est bien le frère Urtubise qui a menti. Cette saga a réuni un total de 206 victimes provenant de 3 institutions scolaires administrées par la Congrégation de Sainte-Croix. Et ça dit aussi, Sébastien Richard a travaillé en tant que professionnel des relations publiques et de l'analyse stratégique dans les milieux universitaires, communautaires et gouvernementaux. Il a effectué un retour aux études en septembre 2012 pour obtenir un baccalauréat en éducation à l'Université d'Ottawa. Il se concentre maintenant au métier d'enseignant d'histoire et de français. Il est le porte-parole des victimes de la Congrégation de Sainte-Croix et le président de CLIFAS, un centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance. Alors nous sommes avec ce fameux Sébastien Richard. Alors, bonjour Sébastien. Bonjour Christian, laissons le fameux pour l'instant. Bon, donc je viens de lire la brève qui raconte un peu le livre. Est-ce que tu peux aller plus en détail sur cette histoire des abus des frères de Sainte-Croix, telle que racontée dans le livre? Je vais raconter la structure du livre. Okay? Je vais présenter comment j'ai décidé de développer ce livre-là et selon lequel on pourra continuer à échanger selon la qualité de mes réponses. Moi, ce qui est certain, c'est que lorsque j'ai pris la décision d'écrire un livre, il n'y avait pas... Bien sûr que je voulais dénoncer les Saintes-Croix, bien sûr que je voulais dénoncer les pédophiles et la façon avec laquelle l'Église refuse d'admettre l'évidence. Mais je voulais pas faire un livre revanchard qui n'était que revanchard. Je voulais pas seulement faire un livre agressif, frustré. Je voulais pas qu'on colle l'étiquette à moi et aux autres victimes comme étant strictement des gens en colère qui n'ont qu'une colère à exprimer. Je trouvais que pour rendre l'œuvre crédible, il fallait que j'aille plus loin que ça. Alors, c'est pour ça que il y a eu deux préalables que j'ai voulu mettre dans le livre. Le premier, c'est le premier chapitre, c'est que je me suis dit, il faut comprendre comment ça se fait qu'au Québec, plus qu'ailleurs en Amérique du Nord, l'éducation a été sous la coupole des communautés religieuses. Il y a une raison à ça. Ça pouvait pas être quelque chose qui nous était tombé du ciel. Alors donc, j'ai fait une recherche historique que j'ai trouvée très intéressante à faire et je réponds à cette question-là. Donc, par la même occasion, je profite de l'occasion aussi pour faire l'histoire des Saintes-Croix et lorsque je fais l'histoire des Saintes-Croix, je rends aussi hommage à des Saintes-Croix parce qu'il y a eu des pédophiles, c'est inacceptable ce qu'ils ont fait et c'est inacceptable que leur hiérarchie les ait protégés, mais il y a des gens qui avaient des vocations authentiques là-dedans et qui ont vraiment été des gens très bien et ça aussi, je voulais le faire ressortir. Je pensais que c'était important de le dire. Et le deuxième chapitre, c'est que à partir du moment où on constate que la problématique de la pédophilie est un problème qui se vit partout où le catholicisme est pratiqué, là, c'est plus juste un problème québécois. C'est pas seulement un problème italien, c'est un problème catholique. Et lorsqu'on voit que le pape Benoît XVI, au moment de son pontificat, a passé presque l'essentiel de son pontificat quand il voyageait à demander pardon pour les atrocités commises, bien là, je me suis dit, il y a une raison à ça. Et là, j'ai puisé dans les écrits d'un dominicain, un prêtre dominicain américain qui s'appelle Thomas Patrick Doyle, qui, lui, depuis une trentaine d'années, a fait le choix d'être le témoin expert à la faveur des victimes devant les tribunaux partout dans le monde. Le père Doyle, d'ailleurs, est venu à Québec pour témoigner dans le recours collectif contre les rédemptoristes. Il n'est pas du tout exclu qu'il revienne pour le deuxième recours collectif qu'on intente contre les Sainte-Croix. C'est quelqu'un de très, très disponible. Mais c'est un monsieur qui a un doctorat en droit canon et il a 5 maîtrises. Alors donc, quand on parle d'un érudit qui est capable de vous parler de bien des choses de façon intelligente, là, on a le gars pour ça. Et ses écrits sur... dans lequel il tente d'expliquer pourquoi est-ce que c'est culturellement établi dans le milieu catholique qu'il y a autant de pédophilie, sont extrêmement intéressantes et démontrent à quel point l'Église s'est donné un statut et qu'on a donné un statut à ces gens-là qui décidaient d'entrer en religion, qui allait bien au-delà du statut d'humain. Et c'est en bonne partie ce qui explique le fait que, et je l'explique de façon quand même assez détaillée dans le livre, c'est que eux se disent... je suis au-dessus d'eux. Donc, si j'ai une faiblesse, je n'en suis pas responsable, j'ai été tenté injustement. Alors, donc, ils se sentent complètement déresponsabilisés des actes qu'ils commettent. Et donc, ça, c'est profondément ancré dans la culture catholique. Une fois que j'ai fait ces deux premiers chapitres-là, là, ensuite, j'entre dans le témoignage, mon témoignage personnel, le témoignage aussi de la famille Cornelier, qui sont ceux qui ont initié le recours collectif à l'origine. Et donc, ça, je raconte toutes les péripéties de cette aventure-là. Et ensuite, je présente l'entente hors cours que nous avons fait avec les Saintes-Croix, donc qui, effectivement, ont permis aux victimes de se partager 18 millions de dollars. Mais il faut savoir aussi que si les Saintes-Croix ont fait une entente hors cours, ils se sont volontiers repris par la suite parce que dans l'application de l'entente, ils ont vraiment tout fait pour tenter là, de nous essouffler et de faire en sorte qu'on puisse littéralement sortir de là. Il y en a d'ailleurs qui sont sortis parce qu'il y a eu 206 victimes indemnisées. On a eu jusqu'à 225 dossiers à un moment donné. Là. Donc, il y en a qui se sont retirés parce qu'ils étaient plus capables d'attendre. Alors, et ça, malheureusement pour nous, mais surtout pour les Saintes-Croix, j'ai envie de dire, c'est qu'on s'est retrouvés devant des arbitres qu'on appelle des adjudicateurs, qui étaient deux anciens juges de la Cour d'appel du Québec, donc des juristes chevronnés. Et ces gens-là ont écrit des jugements qui sont à 95% en faveur des victimes au moment de ce processus d'appel pour déterminer combien chaque victime recevrait comme indemnité. Et là, là-dessus, là, ce chapitre-là, essentiellement, est une longue citation d'un paquet de jugements dans laquelle j'appelle un chat un chat. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu être exhibitionniste dans la façon avec laquelle je présentais les victimes d'agressions sexuelles dans mon travail de porte-parole des victimes. Mais là, dans ce cas-ci, lorsqu'on entend, par exemple, l'entrevue qu'on vient d'entendre d'Alain Duhamel, il faut appeler un chat un chat. Les atrocités doivent... On doit voir que c'est plus que des mots. Ce sont des actions. Et il y a des souffrances derrière ça. Et ces citations-là sont très explicites à certains moments. Et je pense qu'elles aident à comprendre à quel point il y a des gens dans notre groupe qui ont été très, très, très sérieusement handicapés. Et donc, c'est essentiellement ça, l'histoire du livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces interventions que les Frères de Sainte-Croix ont fait durant le recours? Quel type de recours? Ouais, de quel type d'intervention s'agit-il? Au moment du recours collectif lui-même devant les tribunaux? Oui. Ben, c'est-à-dire que... Dans le cas, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui ont fait le choix de porter plainte aux criminels, OK? Donc, en 2006, je me suis retrouvé en cours criminel devant mon agresseur. Et eux, et d'ailleurs, j'en parle de façon très détaillée dans le livre, mon agresseur est arrivé devant le tribunal et effectivement, comme vous le disiez si bien en lisant le document, lui a décidé de tout nier. Et les avocats des Sainte-Croix, eux, leur thèse, c'était que je voulais me venger d'eux. Et en me vengeant, j'avais décidé d'inventer ces agressions-là qu'avait commises le frère Urtubise au nom d'une vengeance que j'aurais à l'égard des frères de Sainte-Croix. Alors, donc, d'ailleurs, ça tenait pas la route. Ça tenait tellement pas la route qu'à la fin du procès, tout ce qui leur est resté comme moyen, c'est de faire témoigner mon agresseur et qu'il nie tout ce qui était arrivé. Alors, mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'on s'est retrouvé devant pas un, mais deux avocats. Le sergent détective de la police de Montréal qui s'occupait de mon dossier m'a dit, Monsieur Richard, j'ai jamais vu ça, moi, un accusé qui se fait défendre par deux avocats. Alors, donc, ça a été la première dimension qui démontrait à quel point il ne voulait pas reconnaître la communauté. Il était prêt à mettre le paquet. Ensuite, lorsqu'est arrivé le recours collectif, il y a une annexe dans mon livre, d'accord, qui est un document qu'on a été capable de trouver sur Internet, qui est un document très accablant, qui a été écrit par Maître Émile Perrin, qui était le procureur des Sainte-Croix, qui l'a été longtemps. Et à un certain moment donné, on lui a demandé d'écrire une espèce de bilan de la problématique des agressions sexuelles dans la communauté. Et les supérieurs de l'époque voulaient évaluer quel était le danger potentiel pour les Sainte-Croix en tant qu'institution. Ce document-là est absolument accablant. Et lorsque on a été capable de mettre la main sur ce document-là, tout à coup, les Sainte-Croix ont dit « OK, on veut faire une entente hors cours ». Donc, l'accès à ce document-là a été absolument stratégique. Et donc, ça veut dire que n'eût été des armes qu'on avait, des écrits sur lesquels on a mis la main, les Sainte-Croix n'avaient aucunement l'intention de négocier une entente hors cours. Eux, ils y allaient jusqu'au bout. Et selon les évaluations qu'on a, il semblerait que toutes ces procédures-là ont coûté en frais juridiques quelque chose comme 5 millions de dollars aux Sainte-Croix. Donc, on voit que eux, money is no object, ils sont responsables de rien. On a de l'argent, donc on a aucun problème à faire ça. Et je vous fais grâce des arguments invoqués par les avocats pendant, par exemple, le processus de contestation. Si jamais on veut aller jusque-là, on pourrait y aller. Mais c'était... On tombe vraiment dans l'odieuserie, là. Je pense que ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. D'accord. Alors, allons-y. Je donne un exemple. Il y a un jeune par exemple, a un furoncle. Donc, là, un problème, un orteil. Il se ramasse donc à l'infirmerie et le frère infirmier lui demande de baisser son pantalon. On se rappelle bien que c'est un problème à l'orteil là, dont il est question, OK? Et le frère en question touche à son pénis et décide de le masturber. Mais le garçon a 12 ans. Il n'est pas éveillé sexuellement, donc lui, il n'a pas d'érection. Donc, il est probablement très peur, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, les Sainte-Croix contestent le fait que cette personne-là puisse avoir un montant X. C'est parce qu'il y avait des critères en entente hors cours selon les fréquences des abus, les impacts, etc. Il y avait des critères, donc on arrivait à la conclusion que telle personne pouvait réclamer tel montant. Et les Sainte-Croix, essentiellement, dans ce processus-là, tout ce qu'ils faisaient, c'était de contester non pas les faits, mais les montants réclamés. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était économiser. Ils voulaient ne pas dépenser le 18 millions. Alors, donc, dans ce cas précis, ils ont invoqué le fait que la victime ne méritait pas X dollars, il méritait par exemple X moins 40%. Et parce qu'il lui dit, au fond, puisqu'il y a eu des masturbations, des gestes masturbatoires, mais qu'il n'y a pas eu d'érection, ce ne sont donc pas des masturbations, mais ce ne sont que des simples attouchements. Donc, à ce moment-là, les simples attouchements valaient moins. Alors, on était dans ce niveau-là là, d'argument. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens qu'il y a des catégories? Oui. Alors, dont oui, tu parles aussi dans ton livre. Tout à fait. Au début du quatrième chapitre, là, je décris l'entente, comment est-ce qu'elle a été élaborée et comment est-ce qu'elle a été conçue. Et soit dit en passant, je me permets une petite digression, cette entente-là, puisque c'était une entente hors cours, ce n'était pas un jugement. Donc, ça ne faisait pas partie de la jurisprudence. Sauf que, malheureusement pour les Sainte-Croix, lorsqu'est arrivé le recours collectif contre les rédemptoristes, eux ont décidé de ne pas régler. Et dans le jugement contre les rédemptoristes, le juge a repris des pans entiers de notre règlement. Donc, grâce aux rédemptoristes, j'ai envie de dire, je me sens de guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire, notre entente maintenant fait jurisprudence parce qu'il y a une autre cause qui s'en est inspirée. Alors voilà. OK. Ben, pour faire intervenir Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Il est membre du CRIFAS et membre du comité des membres liés au CRIFAS. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous parler de ton exemple, de qu'est-ce que tu as vécu, toi? Okay. Puis on reviendra aussi à Sébastien. On va... Avec plaisir. Faire des échanges. Oui. Moi, ce qui est arrivé avec moi, c'est que j'ai été agressé, effectivement, je pense, à partir de l'âge de 6 ans. Ça a duré jusque... On s'imagine, là, aux environs 58-59, et ça a duré par trois occasions jusqu'en 1965, si je me souviens bien. Alors, j'ai subi trois agressions par trois personnes différentes. Ce que j'ai vécu, la première chose que tu fais quand tu es un enfant, c'est d'envoyer ça. En arrière, t'envoies ça, tu caches ça, parce que à ce moment-là, dans les années 50-60, c'était très religieux. Et puis, j'aurais conté ça à ma mère, puis elle m'aurait dit t'as dû rêver ça. Alors, c'était pénible de conserver toutes ces choses-là en dedans, puis de les cacher. Finalement, au bout de quelques années, mon beau-frère m'appelle et me dit « Tu te souviens-tu d'un tel... » Je ne me souviens plus du nom. J'ai dit « Oui, mais j'avais son image. » C'est lui, c'était le premier qui m'a agressé. Il me dit « Bon, il est mort. » Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit « Oh, yeah, parfait. » Puis lui, il m'a posé des questions. J'ai dit « Garde, c'est lui le premier qui m'a agressé sexuellement quand j'étais enfant. » Alors, c'était revenir sur ce que j'avais vécu. Et puis, les deux autres agressions que j'ai subies, tout ça, c'est revenu, là, bang, dans ma tête. Là, puis, je pensais tellement à ça souvent que, donner un exemple, quand j'arbitrais au hockey, il m'arrivait parfois de tout simplement chuter par terre sans raison. Parce que tout ça travaillait dans ma tête tout le temps. Et puis, à un certain moment donné, quand j'ai vu que ça faisait mal, et très mal, j'en ai parlé à mon médecin. Puis lui m'a dirigé au CRIFAS. Alors, c'est comme ça que j'ai pu rentrer au CRIFAS pour poursuivre des phases. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous introduire en tant que président du CRIFAS, qu'est-ce que c'est que le CRIFAS? Avec plaisir. Le CRIFAS, c'est le Centre de ressources et d'intervention pour hommes agressés sexuellement. C'est l'acronyme, le CRIFAS fait l'acronyme. Et ça a été fondé en 1997 par trois personnes qui étaient actives, qui ont été exposées à cette souffrance-là. Il y avait de mémoire un policier, un travailleur social, puis quelqu'un d'autre. Moi, je les ai pas connus, ces gens-là. Mais ces gens-là ont constaté qu'il y avait un besoin très spécifique pour les victimes d'agressions sexuelles et qu'il n'y avait pas vraiment de ressources compétentes orientées sur cette problématique précise. Donc, même les meilleurs psychologues, les meilleurs thérapeutes avec la meilleure intention du monde n'étaient pas toujours vraiment bien équipés pour pouvoir tenter d'aider ces gens-là. Alors, Donc, a été fondé le CRIFAS qui, au cours, là, ça va bientôt faire 20 ans que le CRIFAS existe, a développé une expertise reconnue quant à la qualité de ces ressources, parce que il y a beaucoup de gens, lorsque moi-même j'ai fait mes propres phases, j'ai toujours entendu des membres qui étaient là dire « Enfin, je trouve quelqu'un qui est capable de me comprendre. » Donc, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important parce que la psychologie, la nature humaine, c'est quelque chose de complexe. Hein? Il y a tellement de gens qui font des recherches dans le domaine de la psychologie et on réalise qu'il y a toujours des besoins extrêmement spécifiques selon les problématiques. Et je pense que le CRIFAS répond quand même assez bien à ça, malgré ses modestes ressources. Et nous pourrons continuer sur le CRIFAS par la suite, mais nous allons écouter une chanson qui a été écrite par Darling, que j'ai découvert aujourd'hui en faisant la recherche pour trouver des chansons qui sont liées au thème, qui racontent plus une histoire d'agression sexuelle au féminin. Mais je pense que, en tout cas, en tant que personne qui aussi a été victime d'agression sexuelle pendant de nombreuses années, je m'y retrouvais. Alors je pense qu'il y a sûrement d'autres aussi survivants qui vont s'y retrouver. C'est notre code, le jeu est simple. Quand toi tu rentres, moi je parle pas. Toi tu m'aimes, mais faut pas que je le dise à personne, parce qu'on va se faire mal. Et si je t'aime, bah je le dis pas. Au début c'était bizarre, tu me faisais toujours des caresses. Et puis un soir pendant le jeu, soudainement t'as enlevé ta veste. Mais j'irai rien dire à maman, je sais qu'elle est jalouse quand tu m'aimes. Et moi ça m'amuse quand tu viens, je veux pas qu'on t'accuse parce qu'on s'aime. Le jour quand maman me questionne, je réponds comme tu me l'as demandé. Papa est gentil avec moi et on fait rien l'autre que jouer avec le temps. Grand masse de quelque chose, le médecin m'examine et dit des mots aux grandes personnes. J'ai vu des tonnes de psychologues, dis-moi papa t'es rendu où, je comprends pas les conversations. On me dit que t'es méchant et c'est tout. Hier soir j'ai demandé à maman où t'étais parti, pas selon maman m'a dit d'oublier, fallait dormir sans poser de questions. Salut princesse, chut, on fait pas de bruit, c'est les règles. Quand c'est papa on fait pas de bruit, c'est notre jeu, notre secret, faut pas le dire à personne. Oui t'es bonne ma belle, faut pas dire les autres veulent pas. Salut princesse, chut, on fait pas de bruit, c'est les règles. Quand c'est papa, on fait pas de bruit, c'est notre jeu, notre secret. Faut pas le dire à personne. Oui, t'es bonne, ma belle. Faut pas dire les autres veulent pas. J'ai grandi insouciante, sans douter une seconde que maman le savait, en fait était souvent d'accord. Les soirs où tu rentrais dans ma chambre, venais entre mes jambes, blessé l'innocence, c'est papa. Moi j'aimais ta présence, ma première peine d'amour, je l'ai vécue à cause de toi. J'ai pas connu l'amour adolescente à cause de toi. J'ai jamais trouvé d'homme parce que mon cœur t'appartenait. Mais non, c'est pas l'appartenance qui est venue me blesser par après. Et j'ai grandi sans le savoir, c'est vrai que la mémoire c'est bien faite. Et toi tu t'endormais le soir quand tu savais ce que tu me faisais. Pense de cours, je m'en ai la nuit de crier, endormi tout le temps. J'ai voulu consulter le psy et on entendre dans le silence. Papa pensait pouvoir le passer inaperçu, prétendre que mes pensées ne prendraient jamais le dessus. Papa, j'ai lu une nouvelle en thérapie, tous mes revenus. Papa, c'est criminel, j'ai une enfant et c'est de l'abus. Qu'est-ce que tu fais? Salut princesse, chut, on fait pas de bruit, c'est les règles. Quand c'est papa, on fait pas de bruit, c'est notre jeu, notre secret. Faut pas le dire à personne. Oui, t'es bonne, ma belle, faut pas dire les autres veulent pas. Salut princesse, chut, on fait pas de bruit, c'est les règles. Quand c'est papa, on fait pas de bruit, c'est notre jeu, notre secret. Faut pas le dire à personne. Oui, t'es bonne, ma belle, faut pas dire les autres veulent pas. Alors, vous êtes toujours sur En profondeur, sur 90.3 FM à ce qu'on appelle Montréal, et sur l'internet à cqut.ca. Nous parlions du CRIFAS avec cette introduction à qu'est-ce que c'est par le président lui-même. J'aimerais entendre Jean-Pierre maintenant sur son expérience au CRIFAS. Oui, je vais revenir sur au moment où j'ai été interviewé la première fois au CRIFAS. Je venais, j'étais... Je me sentais tout seul, j'avais l'impression que J'étais tout seul dans la barque, là, puis finalement, quand j'ai pu commencer les phases, parce qu'on a différentes phases. Alors, la phase 1, quand j'ai commencé, je pensais d'être tout seul, mais je me retrouve 10, 12 autour d'une table. Et puis, c'est là que ça commence. Faut que tu ouvres, faut que tu parles de ce qui s'est passé. T'es gêné, t'es mélangé, tu sais pas si ça va se dire. Enfin, faut que tu en parles. Alors, la première phase, elle est importante parce qu'il faut que tu te... faut que tu penses à mettre ces pensées-là ailleurs. D'aller les placer au-dessus de tes épaules, en arrière. Au lieu d'être une victime, disons qu'on devient un peu gagnant ou beaucoup gagnant avec cette phase-là. Personnellement, moi, j'en suis sorti de cette première phase-là, je crois, c'est aux trois quarts des 10 semaines. J'ai remarqué un mot qui, pour moi, est bien important. Et c'était le mot « décider ». Et ce mot-là peut s'appliquer à des gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple. C'est quand tu prends ta décision, puis que tu veux que ça passe à autre chose, alors à ce moment-là, moi, j'ai fait « merci, bonsoir ». J'ai changé ma façon de penser et des manières pour m'en sortir, mais à la phase 1, j'avais dit « merci, bonjour à ça ». Les autres phases que j'ai eues, la phase 2, la phase 3, je me souviens plus. On l'appelle la phase thématique maintenant. C'est ça. Mais permettez-moi, excusez-moi, je veux juste faire une précision pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la notion de phase. Je veux juste préciser que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir que la façon avec laquelle on fonctionne au CRIFAS, c'est que ce sont des groupes qui sont constitués, n'est-ce pas? Et il y a donc un intervenant qui anime ce groupe-là et qui aide les gens à faire les prises de conscience nécessaires. Et ce qui est important, c'est que on peut se demander pourquoi des groupes. Les groupes, c'est important parce que on est beaucoup dans le déni. Hein. On essaie d'oublier tout ça, comme tu le disais si bien, parce que c'est douloureux. Alors, le fait d'entendre d'autres personnes fait en sorte que des fois, on peut faire des prises de conscience par le témoignage des autres qui sont autour de nous et ça nous aide dans notre propre cheminement. Alors, c'est pour ça qu'il se fait du suivi individuel au CRIFAS, mais à la base, c'est sur la base de groupe et on échange entre nous pour être capable tous ensemble, de s'aider en interagissant. Je voulais juste faire cette précision. Ouais, tu veux continuer là-dessus, sur l'importance du groupe et des autres survivants qui s'entourent, des victimes, en tout cas, peu importe comment on se décrit nous-mêmes? Oui. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes durant ces phases-là. Et je suis resté ami. On était un petit groupe du restant de la phase 3. Alors, on était un petit groupe quand on va au café rencontre, par exemple, qui est jeudi soir là, de 19h à 22h. Mais c'est ça. Tu vas chercher, comme disait Sébastien, tu vas chercher des outils pour t'aider à modifier toute ta perception, ta culpabilité. Je pense que c'est ça qui est important. Puis après, de se faire respecter. Et ça, dans la phase 1, là, c'était... Il y a la phase thématique où on discutait de plein de sujets très intéressants parce que ça fait prendre conscience de ce que tous les autres veulent apprendre, veulent savoir. Puis qu'on n'est pas tout seul. Pardon? Oui, c'est ça. Oui, puis comme disait Alain Duhamel dans son entrevue, comment on reprend ensemble le pouvoir en tant que survivant? Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, c'est tu reprends du pouvoir. Disons qu'après ces trois phases-là, les trois phases que j'ai eues, le pouvoir m'est revenu. J'avais perdu le pouvoir. Là, je me suis dit, depuis la fin de mes cours, il est temps que quelque chose se passe. Il faut que ça se passe parce que je vais continuer à travailler dessus, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais heureusement, j'ai eu besoin juste des trois phases. Puis ça a été bénéfique Aujourd'hui, j'ai les épaules très légères. C'est plus facile pour moi d'en parler. À travers la famille, tout le monde le sait. Je n'ai pas caché ça à personne. Puis aujourd'hui, moi, en tant que membre, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, ils ont le CRIFAS qui peut faire le travail. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont accompagné, la psychologue, et puis elles autres m'ont aidé à me prendre en main et de bouger. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Sébastien Richard? Juste dire d'abord que nos intervenants sont des intervenants. Hein. C'est important de préciser ça là, pour des raisons légales. Ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que dans notre recours collectif, là, on a fait une petite évaluation à un moment donné pour voir combien de temps ça prend à un homme pour qu'il décide de dénoncer la souffrance dont il a été victime. Et dans le cas de notre recours collectif, la moyenne de temps que ça prenait, c'était 40 ans. Okay? Donc, il faut comprendre que les gens qui nous agressent, ce sont toujours des gens qui sont proches de nous dans 90 % des cas. Des membres de la famille, des enseignants, des entraîneurs de sport. On est vraiment là dans l'immédiat et ce sont des gens qui sont importants à nos yeux. Ce sont pas... C'est des gens très... Moi, dans le cas de mon agresseur, moi, objectivement, quand j'ai été agressé, les cours de maths qu'il m'a donné, là, ça m'a permis effectivement de réussir mon année. Là. Faut que je le dise, ça. Donc, comment je le dénonce, ce gars-là? Il m'a aidé. Il m'a abusé, mais il m'a aidé. Alors, donc, on est toujours dans cette relation qui fait en sorte qu'à un moment donné, on en vient à la conclusion que finalement, si on a été agressé, c'est de notre faute, alors qu'on était des enfants. C'est extrêmement pervers. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont des agresseurs, sont aussi beaucoup des prédateurs. Ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Ils fantasment sur des jeunes garçons et ils se font une stratégie pour réussir à aller chercher ces gens-là. Donc, évidemment, comme enfant, on est très vulnérable, bien entendu. Alors, c'est important de voir que, et c'est une des représentations qu'on a fait récemment, nous, le CRIFAS, devant une commission parlementaire à Québec, où on leur a dit, si on ne se donne pas les moyens pour agir rapidement lorsque des agressions ont lieu, là, on remet ça beaucoup plus loin, avec énormément de souffrance, autant chez la victime que dans l'entourage de la victime. Et ça, c'est quelque chose qui est bien important. Alors, c'est pour ça que lorsque, par exemple, on se retrouve, je sais pas, dans une maison d'enseignement, par exemple, dans une polyvalente, puis on voit qu'il y en a deux, trois qui ont de la colère, qui sont impertinents, on se dit qu'ils savent pas bien, qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants-là? On devrait plutôt se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils ont certainement subi quelque chose. Un enfant qui est épanoui puis qui est heureux, là, il est poli. OK? On n'a pas le problème de comportement qui vient avec. Alors, comme société, on est vraiment rendu à un point où on doit attaquer de front ce problème-là et arrêter de se taire parce que personne ne gagne. Les seuls qui gagnent lorsqu'on se tait, ce sont les prédateurs et les pédophiles. Et ils ont gagné pendant beaucoup trop longtemps au Québec. Malheureusement. Malheureusement. Jean-Pierre, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Ben enfin, moi, si je suis ici ce soir, c'est pour vous raconter ce qui s'est passé de moi, que maintenant, j'ai plus de poids sur les épaules avec tout ça. J'ai été bien content de suivre ces phases-là, au CRIFAS. Puis, j'adore tout le monde. Puis, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, que nous, il faut sortir à un moment donné. Il faut sortir le plus vite et faire rapidement. Je pourrais rajouter quelque chose? Pas tout de suite. Pas tout de suite, d'accord. J'attends. Parce que j'ai une autre question. Tu rajouteras ce que tu voudrais après. Aucun problème. Donc, moi, je suis aussi partie prenante dans un réseau qui s'appelle « Je suis indestructible ». Qui aussi donne la parole aux survivants, survivantes, et qui les unit entre eux et elles. Quelle est la place de l'unité des survivants et des survivantes dans notre guérison, à nous? J'ai de la misère à répondre parce que je sais pas. Il y a quelque chose que je comprends pas de ta question, si tu veux m'en répéter, s'il te plaît. Ben, quelle est la place de l'empowerment qu'on se donne entre nous, entre survivants et survivantes? OK, oui, hein, ouais, mais ça, on essaie de... OK, là, je comprends. On essaie de se créer des amitiés un peu partout. Alors, moi, j'en ai au sein des groupes du CRIFAS. Et puis, comment je pourrais dire ça? Toutes ces choses-là qui sont se sont passées dans ma vie. Je recommence. Tout ce qui s'est passé dans ma vie a découlé de ces agressions-là quand j'étais enfant. Toute ma vie, elle a été démolie. Là, je comprends les échecs que j'ai eus antérieurement. Qu'est-ce qui a rendu à 62 ans? Tu te dis, bon, Colin, si j'avais fait ci, non, tu ne peux plus revenir là-dessus. Alors, les gens qui comprennent et qui savent de quoi on parle, c'est tellement... on peut se rapprocher et se comprendre entre nous autres. Puis ça fait ça fait des amis, ça fait des frères, puis on se respecte tout le monde. Et puis, c'est ça. OK. Je disais que tu faisais partie du comité des membres liés au CRIFAS. Oui, aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comité des membres. Oui, comité des membres. Bon, je fais partie du comité des membres du CRIFAS pour venir en aide un peu plus aux membres qui sont inscrits au CRIFAS pour leur donner des outils de soutien. Et là, je sais que CRIFAS a son CA. Nous autres, ce qu'on peut faire, c'est de venir en aide à ceux, aux survivants. Aux gens comme nous. Alors, c'est ça le mandat qu'on s'est donné. Essayer de faire une ouverture différente avec les membres du CRIFAS, de venir à des séances de lecture, par exemple, ou d'invités qui viendraient parler de ce qu'ils ont vécu. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose à faire en partant. Parce que, en venant en aide aux membres de notre côté, on va juste débarrasser le CA. On va juste débarrasser du poids qui pèsent sur eux, puis qui sont... Je comprends que c'est particulier, mais comme samedi dernier, à la marche, j'ai dit à une personne du CA et qui parlait, qui était débordée, puis ainsi de suite, puis c'est ça, je lui ai mis la tête, une patte sur l'épaule, puis j'ai dit, regarde, c'est pour ça qu'on veut avoir un comité de membres pour se soutenir, débarrasser un peu le CA et de pouvoir avancer sur d'autres choses. Oui, puis de mobiliser aussi plus davantage les survivants et survivantes qui étaient quand même assez peu nombreuses et nombreux à cette marche. Exact, oui, malheureusement. Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'était relié à la problématique de la capacité de faire confiance. On réalise que beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, compte tenu que la nature de l'agression se fait avec des gens qui sont en autorité. Je pense que le témoignage d'Alain Duhamel tout à l'heure était très éloquent par ça. Il est agressé, il souffre. Il va voir ses parents, bien entendu, on va voir ses parents quand on a des problèmes, et se fait punir. Comment est-ce qu'une personne, par la suite, réussit à faire confiance à quelqu'un? Il faut voir à quel point la blessure est profonde. Et ça, ça fait très peu de temps qu'on prend conscience de ça au Québec, parce que toute cette nature-là, la nature de cette souffrance-là a été cachée parce qu'elle est très gênante, et compte tenu, on parlait tout à l'heure de l'empowerment des victimes, le pouvoir qu'exercent les agresseurs sur les victimes est à ce point important que la notion même de dénonciation est extrêmement difficile à faire. Alors, donc, c'est pour ça que les phases, telles qu'on les appelle au CRIFAS, à un certain moment donné, on prend conscience qu'on doit confronter notre agresseur. Parce que ce soit par les tribunaux ou peu importe, là, je suggère pas de moyens, mais ce qui est important derrière ça, c'est qu'à partir du moment où on le confronte, ça veut dire qu'on cesse d'être sa victime. Si on ne le confronte pas, il est toujours un petit peu présent en nous et il nous domine. Et ça, c'est extrêmement pervers et pernicieux et les abuseurs savent tellement bien comment s'occuper de ça. Alors, donc, c'est pour ça que nous, on est bien contents au CRIFAS de pouvoir offrir cette aide-là, mais on est tellement conscients qu'on n'atteint qu'une parcelle de ces gens-là en ce moment. Parce que, effectivement, par exemple, dans le cas de notre recours collectif, j'ai des gens qui communiquaient avec moi en tant que porte-parole des victimes. Ils communiquaient par courriel. Ils envoyaient le courriel aux avocats et ils disaient aux avocats, je veux pas que tu mentionnes mon nom. Alors, on était dans un groupe quand même fermé, là. Et c'est donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, à cause de la souffrance que ça implique, préfèrent ne pas en parler et faire comme si de rien n'était. Et c'est là qu'est l'erreur. Merci. Juste pour terminer, moi, ça m'a pris 55 ans. Et voilà. Oui, il y en a que ça prend plus, il y en a que ça prend moins. Il y en a qui le savent dès le départ. Moi, personnellement, je le savais dès le départ que j'étais victime, mais il n'y avait pas grand monde qui était là pour m'aider à en sortir. Hélas. C'est ça. Puis, genre, je suis sûr qu'il y en a d'autres. En tout cas, fait qu'il y en a qui le savent dans les médias, il y en a qui le savent beaucoup plus tard. Il y a une moyenne qui est statistique, mais qui, bon, comme toutes les statistiques, elle comprend aussi beaucoup d'exceptions. Et quand on parle, vous avez remarqué, quand on en parle, qu'il y a plein de gens qui disent tiens, moi aussi, c'est étonnant. Hein? Ah, c'est clair. C'est ça. Alors, ça démontre à quel point c'est important. Exact. C'est comme une femme que j'ai rencontrée en fin de semaine à la marche qui travaille dans un organisme pour hommes qui me disait « Quand j'ai parti, l'idée de faire un service pour les hommes qui ont été agressés sexuellement, j'en connaissais très peu, mais le courriel a été tellement abondant. Genre, les courriels sont arrivés, là, puis on a vu la nécessité d'avoir un service. Mais les services, les groupes, en tout cas, il y a beaucoup de mobilisation à faire, autant en tant que survivant, survivante, qu'au niveau des services qu'on reçoit. Aucun doute. Mais c'est pas mal tout ce qu'on avait comme temps aujourd'hui, mais je vais vous laisser 30 secondes pour conclure. Ben, moi, je vais conclure en disant tout simplement que on est au début de quelque chose. Dans les années 70, lorsqu'on s'est mis à dénoncer le viol dont les femmes étaient l'objet, ça a été important là, comme débat au Québec, sauf qu'on a établi une dualité. L'homme est un agresseur et la femme est une victime. Et c'est pas vrai. La femme est autant une victime qu'un abuseur et l'homme est autant un agresseur qu'une victime. Et donc, il faut faire vraiment le débat sur la problématique des agressions sexuelles et non pas en établissant qu'il y a un agresseur et une victime comme étant masculin et féminin. C'est plus global que ça. Jean-Pierre? Bien, moi, en terminant, je veux juste dire aux gens, si vous souffrez comme ça, avec des abus sexuels sur vous, n'hésitez pas à dénoncer et peut-être poursuivre par la suite. Au moins, vous allez débarrasser d'un poids et ça va vous aider. Oui, ne pas rester dans le silence parce que le silence tue. D'ailleurs, il a tué plusieurs personnes. Il a tué plusieurs personnes. Alors, merci d'être venu. Je veux rappeler Jean-Pierre, membre du CRIFAS et membre du comité des membres liés à CRIFAS, Sébastien Richard, auteur du livre qu'on vous conseille de lire, Religieux et pédophile, plus de 200 enfants volés et président du CRIFAS. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes toujours sur En profondeur, sur le 90.3 FM et sur l'Internet à CKUT.ca. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter nos émissions en archive sur notre site Internet. Tout est assez clair si vous y allez. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called? The news brought to you live. Alors. C'est un peu moins que ça, mais. Vous écoutiez le En profondeur du lundi. Le 27 avril 2015 sur 90.3 CKUT.ca. Ne manquez pas nos prochaines émissions. Si jamais vous avez des commentaires, insultes ou peu importe, vous pouvez nous appeler au 514-448-4013 poste 6788. On prend tous les commentaires. Vous pouvez me demander à me parler. Alors, je suis Christian. Ils vont savoir c'est qui. Et on vous encourage, si vous êtes des hommes survivants ou des femmes survivantes, à sortir du silence, à vous battre contre les agressions que vous vivez et à vous unir entre elles, peu importe. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Et nous allons conclure en laissant du temps à l'autre émission d'arriver avec la chanson de Barbara qui s'intitule L'Aigle Noir, qui est aussi une chanson sur l'inceste, même si c'est très métaphorique dans la chanson.